volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. En dessous d'une enseigne qui clignote, une pute qui renseigne les clients. Trop malade pour allaiter, faire de la maille pour un été. Substance illicite dans la chatte, tu peux t'enliser dans la jungle. Mais ça va te manquer si tu n'achèves. T'auras plus d'amis si t'en lâches un. Un pote en galère, faut l'aider. C'est ainsi jusqu'à la fin des temps. Une aventure dans le vent d'été peut te conduire à la vendetta. Y'a rien ni personne qui te force à rafaler. Rien de plus beau que la fierté ravalée. Mais si jamais tu dois faire le mauvais choix, ne règle pas tes comptes devant les decks. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Je connais la vengeance, je raffolais d'elle. Maintenant je reste froid comme un Finlandais. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Les tentations pourraient me loter. Tu deviens violent quand t'es violenté. Assassiné quand t'es menotté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de. Tout est une question de volonté. Tout est une question. Dites aux juges de pas juger ceux qui ont manqué d'amour et qui l'ont découvert sur la banquette arrière. Cette époque est amère pour le prolétariat. Dites aux financiers que l'argent de la banque est à nous. Je me sers volontiers. Je ne vais pas commenter devant la télé. Tout est une question de volonté. Ouais, tout est une question de volonté. De la lumière pour éclairer vos lanternes. Tout est une question de volonté. Ça prend peu de temps comme un vol interne. Tout est une question de volonté. Obligé de vivre dans cette société, mais je ne veux pas de leçons venant d'elle. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Ouais, tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Ils font la grimace devant nos têtes. Tout est une question de volonté. Ouais. Poli sur les plateaux télé au cas où ma manguette. La lame de rasoir est planquée sous ma languette. Je me réveille pour éteindre l'alarme et je me rendors. Priez pour moi si je me rends tort. Ils me voulaient d'aide, dommage pour eux, je suis pas volontaire. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Devant la folie n'est pas l'air affolé. Dès que t'as des inquiétudes, faut les taire. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Sans cette putain d'amitié, je me sentirais seul sur la terre. Fou, je te dis déjà tout dans mes textes. Je ne devrais même plus faire d'interview. Beaucoup de bouffons qui interfèrent. Et la voix de mon frère à l'interphone qui me dit tu donnes trop quand tu performes. Mais je ferai tout pour qu'on m'interview. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de. Tout est une question de destinée. Right.